Le vase remplit petit à petit, j'irai quand ça va pas. Goutte après goutte, tu me demandes laquelle me fera boire la tasse. J'ai le moral à zéro, j'écris ce texte pour ceux qui, comme moi, baignent dans la tristesse. Je vois venir l'éclipse totale, quel cauchemar. À la recherche d'une lueur d'espoir, gros j'bad, est-il trop tard? Je me pose souvent la question, à la recherche d'une réponse, je médite au bar. Pas à pas, je suis ma voix et puis je rentre à l'appart. J'oublie qu'il y a des souvenirs que la vie ne remplacera pas. Le bilan se fiche, j'écris quand ça va mal. Strident, le silence fait un immense vacarme. Pas à pas, je trace ma route et puis je rentre à la case. Délicat, il y a des images que la vie remplacera mal. Le bilan se fiche, j'écris quand ça va pas. Le silence crie, j'entends chuchoter, lâche ma lâche. Je sors et je vois mes potes pour me changer les idées. Faut que je reprenne le sport, faut que je change et décide. Parce que je suis statique, faut que je m'active. Ouais, je déprime, c'est débile. C'est ce que je me dis quand je croise mon regard dans la baie vitrée. Faut positif et gamin. C'est ce que les gens m'ont dit. Désolé quand je suis pas bien, ben je reste dans mon lit. J'écoute des sons qui me rendent encore plus mal. La vie te donne des leçons que tu comprendras plus tard. Mais quand ça va pas, j'ai cette manie frère. Je fume des barres, de fête d'amnésia, quelques cuillères Nutella. J'ai pas un récit thug, mais dans mes actes j'ai fait du mal à ce que j'aime, à mes géniteurs. Le soutien, c'est ce que les potos t'apportent. Laisse-moi d'espace, j'suis un peu claustro, sale conne. Pour oublier ça avec des grosses doses, j'm'assomme. Surtout que là, j'suis pas au top, ma forme. Leader, j'm'en fous, j'm'arrache. Petite prod en boucle, ça rappe. J'm'isole sans sous, ça m'gave. J'rigole quand tout va mal. J'vais batailler dans ce game, j'vois tes bananiers quand j'rêve. J'sais pas fou, moi j'perds la boule loin du cavalier sans tête. J'ai peur que ça vire au drame, wesh, nerveux, j'm'affiche trop, ça me stresse. Des heures à dire nos mallettes, j'ai le cœur à vivre comme Hartley. Le taf divise, je me lasse d'ici, je pense à la plage. Le calme s'immisce, je relativise quand ça va pas. Et j'en ai marre de tout, je reste tenté par le doute. Les chanter, ça me le fout, je descendrai par le trou. Pour plus jamais revenir, couche tu m'appelles, je te fouille. Tout pue la merde, je te dis, foutu là, je traîne le pire. Mais c'est pas grave, les années passent, les aléas me laissent bas des sales. Gros, je me répète et j'aime pas ça. Trop de faiblesse, mais quelle patate. Du rond s'en tape du mal. J'en ris, j'pense au futur et j'pars en vrille, tu comprendras plus tard. Ce qui s'ensuit n'est qu'un condensé de moi. Tu ceux qu'on censé croire que je suis content d'être là. Mais j'ai contemplé le mal et j'ai contenté sale besoin. Et là je commence à ressentir que ma conscience s'éloigne. Et j'ai beau penser droit, mais le droit chemin s'écarte. Je suis dans le fossé et je me suis posé tant de fossés les cartes. Ce putain de feu gris joie, ouais j'ai possédé ça. Mais je suis obsédé par l'idée de poser mes marques. Et je vais poser mes tracks à m'en choper des plaques. Mais sans pomper ces gars qui disent propos. J'ai de sale lyrics, le rap il falsifie. Tout ça va mal finir, les années fan si vite. Je sais, je m'étale, je m'immisce. Je suis grave timide et ça me limite. Je vais retourner à l'époque des survets d'Akini. Je gratte, je milite, ma barbe s'irrite. Tu connais le constat quand ça va pas, chiqui. Pas à pas, je suis ma voix et puis je rentre à l'appart. J'oublie qu'il y a des souvenirs que la vie ne remplacera pas. Le bilan se fiche, j'écris quand ça va mal. Strident, le silence fait un immense vacarme. Pas à pas, je trace ma route et puis je rentre à la case. Délicat, il y a des images que la vie remplacera mal. Le bilan se fiche, j'écris quand ça va pas. Le silence crie, j'entends chuchoter, l'asthme là. Laissez-moi, j'ai pas le moral ce soir. Je veux pas entendre parler de quoi que ce soit. Je batte, j'ai froid, j'ai soif, je crois. Soit, je te raconte pas dans quoi l'espoir se noie. Il fait noir et ça fait quelques mois. Pas de belle face faite de soi. Je m'en fous, c'est de moi. Le jour j'escorte une ombre. Ouvre tes oreilles, y'a des mots qui valent tous les trésors du monde.